Le canal de Furnes qui vient de Furnes, hein, de la Belgique. Hein. Le canal exutoire, hein, qui est en fait le canal qui évacue toute l'eau de la Flandre. Hein, voilà. Le canal de Berg qui est là derrière. Et le canal de jonction. Mais, tu vois, là où il y a la stèle, là. Bon, il y a ce qu'on appelle le canal des Moires. Moire qui veut dire marée en flamand. Il y a deux mots en flamand qui veut dire marée. Il y a Brouck, B-R-O-U-C-K, et Moire, M-O-E-T-R-E. Et il passe en dessous, là. Il passe en dessous. Alors, les Watringues, Watering, ça c'est W-A-T-E-R-R-I-N-G-U-E-S. Voilà, Watering, water, eau, et ring, cercle. Voilà, ça veut dire que toutes les parcelles sont entourées de Watringues pour l'évacuation des terres. Et tout ça arrive là. Hein. Alors malheureusement, les clapets sont fermés. Mais voilà, c'est malheureux.